liberté devient la solidaire. Vous écoutez Radio Campus Lille, il est midi. Le DAB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Passez au DAB+ et appréciez les avantages de la radio numérique gratuite car sans abonnement. Alors n'attendez plus, un poste DAB+, en voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM, je vais adorer l'écouter en DAB+. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bien, et on n'est pas le troisième samedi du mois, on est le cinquième aujourd'hui, du mois de novembre. Et pour ce jour inhabituel de notre émission, vous êtes sur les 106,6 MHz de Radio Campus, sur campuslist.com ou sur DAB+, maintenant. Vous écoutez Angle d'Attaque, une émission d'Attaque Métropole Attaque, A2TAC, bien sûr, l'association pour la taxation des transactions financières. Pour les transactions financières, élection citoyenne. Cette émission est régie par Florent, qui proposera les pauses musicales et le calendrier militant. Voilà, excusez-moi, c'est la première fois que ça arrive pendant l'émission, mais il fallait que ça arrive un jour, et c'était aujourd'hui le cinquième samedi de novembre. Bon, voilà. Cette émission est régie par Florent, qui proposera la pause musicale et le calendrier militant, et du côté du micro, il y a René, la science. Bonjour. Et Christian, bonjour. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Des invisibles de Roubaix, invisibles dont il a été question dans le livre « Sociologie de Lille » dont nous continuons de recommander la lecture. Qui sont ces invisibles et plutôt que font-ils ceux qui ne sont même pas gilets jaunes? Je rappelle à ce propos notre émission avec Julien Talpin sur le thème « Pourquoi y a-t-il si peu de gilets jaunes à Roubaix ?» C'est ce que nous allons continuer d'apprendre avec nos deux invités. Blandine, bonjour Blandine. Bonjour. Et Juliette, bonjour Juliette. Bonjour. Juliette est déjà venue à ce micro avec deux autres membres du collectif de GTR pour Sociologie de Lille. Et tu nous avais parlé de Rosa Bonheur et ça nous avait bien intéressé. On dit que tu reviendrais et puis voilà, c'est chose faite aujourd'hui. Blandine est donc membre d'un autre collectif qui s'appelle Rosa Bonheur. Vous êtes six. Oui. Hein, 600 tout, avoir commis cet ouvrage, donc La ville vue d'en bas aux éditions Amsterdam, paru cette année, en septembre, je crois. Septembre. Hein, et qui va servir de guide à notre émission. On peut citer les quatre autres. Oui. Oui, donc le collectif Rosa Bonheur comprend six membres, donc outre Juliette et moi-même qui sommes présents aujourd'hui, José Calderon, Anne Bory, Cécile Vignal et Johan Millot. Et on est tous les six enseignants, chercheurs, pour cinq en sociologie à l'Université de Lille et pour Johan en géographie et urbanisme à l'Université de Marne-la-Vallée. D'accord. Et puis un certain nombre d'entre eux étaient dans le sociologie de Lille. Cécile Vignal, oui. Oui, c'est ça. Bien. Donc. Et Johan, oui, pardon. Excuse-moi. Ah non, oui, il y Johan, avait Cécile et Johan, oui. Oui, René. Juste une petite question. Rosa Bonheur, pourquoi cette appellation? Alors, Quand on a commencé à travailler ensemble, on a voulu d'abord travailler en collectif. Et donc l'idée, c'était pas de faire simplement une succession de noms, mais de trouver un nom qui puisse nous englober et qui puisse ressembler justement à un nom et un prénom habituel. Et Rosa Bonheur, on l'a trouvé, c'est le nom d'une impasse à Roubaix, et qui c'est une peintre de fin 19e, oui. Début 20e, qui donne son nom à cette impasse, qui est une peintre féministe. Et donc voilà, comme on était très enthousiastes aussi au début et qu'on voulait, on savait que peut-être ça serait difficile cette recherche collective par le travail collectif, par le sujet. C'était aussi un petit clin d'œil au fait du bonheur de travailler ensemble, on va dire. Oh là là, c'est très beau, effectivement. Donc Rosa Bonheur, non, elle n'a pas vu le 20e siècle. Hein, 19e, juste avant. Ouais. J'ai plus les dates en tête. Bien, bon, ben, écoute, René, tu es parti sur ta lancée, tu vas continuer à poser les questions. Justement, les quartiers populaires, en quoi le sont-ils ? Comment les avez-vous repérés, ces quartiers populaires ? Alors, on les repère dans une ville qui est une ville essentiellement populaire. Hein. Roubaix, tous les indicateurs sociodémographiques montrent qu'on a affaire à un peuplement populaire, qu'il s'agisse des catégories socio-professionnelles, avec une surreprésentation du poids des ouvriers et des employés, qu'il s'agisse des taux de chômage, des taux d'inactivité, qui sont au moins deux fois supérieurs à la moyenne nationale, mais aussi d'autres indicateurs relatifs à la composition des familles, avec une part de familles monoparentales plus élevée que la moyenne nationale, une part de familles nombreuses également, une population plus jeune que la moyenne, un taux de scolarisation d'élèves, par exemple, à partir de la seconde, plus faible que dans d'autres villes. Et ces chiffres-là, on peut les retrouver aussi à l'échelle des quartiers. Et Roubaix, c'est très, y a une segmentation très, très claire des quartiers, avec un ou deux quartiers riches dans un ensemble de quartiers qui sont des quartiers pauvres, des quartiers populaires. Et dans les indicateurs, j'ai oublié le taux de pauvreté, qui est à Roubaix globalement trois fois plus élevé que la moyenne nationale. Et on pourrait dire aussi comme indicateur le nombre faible de participation aux élections, mais on y reviendra peut-être. On pourra revenir dessus. Oui, il me semble, oui. Oui, René. Également, encore une question. Votre méthode de travail, c'était la discipline, c'était l'ethnographie. Pourquoi ce choix ? Alors, je dirais que c'est justement, on est parti de Roubaix comme une ville que les statistiques montraient très pauvre. Et l'idée, c'était peut-être d'avoir un autre regard sur les personnes qui vivent à Roubaix et de ne pas se contenter effectivement de cette idée qui permettait aussi d'asseoir certains clichés comme une ville pauvre, une ville d'assistés, etc. Et on s'est dit, on voudrait effectivement aller plutôt rencontrer les personnes pour voir, ce qui était aussi notre idée de départ, comment en fait ils vivent quotidiennement. On se doutait bien que c'était dans des conditions socio-économiques très difficiles, mais finalement de repartir de leur point de vue. Et pour ça, c'est ce qu'on appelle l'observation ethnographique qui fonctionne très bien, puisque c'est l'idée de partir sur ce qu'on appelle le terrain, de rencontrer les personnes, et puis de fil en aiguille, de comprendre comment ça fonctionne à la fois le travail à Roubaix, mais encore une fois la vie quotidienne, et puis de se centrer, ce qu'on a fait progressivement. On est parti d'abord sur quelque chose de très large. On a rencontré aussi tout ce qui était plutôt les structures associatives, les syndicats sur Roubaix, pour ensuite avoir des opportunités d'entrer sur le terrain. Ça a été les centres sociaux, ça a été les garages de rue. Et par exemple, les garages de rue, c'est en marchant dans la rue, en déambulant, en discutant avec les personnes, en revenant les voir, que progressivement, on a vu qu'il y avait quelque chose qui était intéressant par rapport à la question du travail qui se passait là. Donc ça a été aussi la rénovation des logements, des petits métiers qui peuvent se proposer aussi derrière des affichettes, des choses à vendre, de la coiffure à domicile, des gardes d'enfants, etc. D'accord. Alors, vous parlez de travail. Et justement, c'est les images qu'on en fait, un peu ce qu'a dit Blandine au départ. On n'est pas sûr qu'ils travaillent, quoi. On a l'impression que c'est des assistés. C'est un peu l'image qui se fait. C'est l'image qu'on a de Roubaix. Et ça, vous battez en brèche complètement cette idée-là, et c'est le travail qui, à mon avis, le fondamental de votre ouvrage, hein, c'est ce travail, mais vous allez nous le dire, Blandine. Oui, alors effectivement, l'ethnographie que décrit Juliette, hein, qui est une ethnographie de plein pied, qui prend au sérieux ce que font les choses, vise à dépasser ou à descendre à un niveau infra par rapport aux catégories statistiques générales qui décrivent effectivement des populations vivant de l'assistance sociale, des populations inactives et au chômage, et donc des populations stigmatisés, hein, sous le terme de voilà, des chômeurs, des assistés, des feignants. Et on s'est dit, bon, bah voilà, on a les statistiques sont indéniables. La caractérisation est clairement une stigmatisation. Si on veut aller au-delà de ça, il faut aller regarder de près ce que font ces gens dont on dit qu'ils ne font rien, comment ils subviennent à leurs besoins, parce que clairement les revenus de l'assistance sociale ne permettent pas de vivre, hein. Le RSA, il est très au-dessous du seuil de pauvreté pour un ménage, quelle que soit sa composition. Et donc on va regarder effectivement ce que font les gens, et ce qu'on voit, c'est une multitude d'activités et une organisation de ces activités qui nous amène à les conceptualiser comme du travail. C'est-à-dire, c'est pas les gens eux-mêmes qui nous disent d'emblée je travaille, je fais ça. C'est par l'analyse qu'on met en forme quelque chose d'organisé, hein, quelque chose qui fait système et qu'on appelle travail de subsistance. D'accord. Alors, le travail de subsistance, d'après ce que nous avons compris, il est vraiment structurant de votre démarche. Ouais. Oui. C'est-à-dire qu'un des premiers axes du livre, c'est effectivement arriver à le décrire sous toutes ses formes. Ce qu'on montre, c'est notamment que, en fait, il est très, très multiforme, ce travail. En partie, il peut ressembler à du travail formel, c'est-à-dire les petites activités, souvent à temps partiel salarié pour une partie des personnes qu'on a rencontrées. Mais c'est aussi souvent du travail qui est informel, qui peut être illégal ou non, qui est du travail au noir. Il a des formes très variées dans le sens où il peut s'agir aussi bien de produire des ressources pour les revendre ou pour soi. Donc c'est tout ce qui tourne autour de la récupération, notamment, tout ce qui a lien aussi avec les puces, notamment. Mais c'est aussi du travail qui peut être proche de ce qu'on appelle habituellement du travail domestique. C'est tout le travail, notamment, qui est plutôt là, le travail féminin, de gestion, de prise en charge des enfants, mais aussi de prise en charge des proches plus âgés. Le travail de papier. Voilà, le travail de papier, aller rechercher, faire ouvrir des droits qui demandent beaucoup, beaucoup de temps aussi. Le travail de consommation. Comment consommer avec des petits budgets, qui demandent beaucoup de temps aussi, parce que souvent ça amène à se déplacer dans l'espace urbain, qui demandent aussi des savoir où aller, notamment. Et ce travail, donc, il est multiforme en termes des activités qu'il couvre. Il est multiforme en termes des statuts qu'il recouvre. Donc, il y a une forme de continuum entre travail formel et travail informel, travail légal et travail illégal, travail gratuit et travail rémunéré. On n'est pas dans des catégories qui s'opposent. On est dans un travail qui va puiser un peu à dans tous ces statuts possibles, qu'on l'observe, soit on l'observe au niveau des trajectoires des personnes, les gens qui passent d'un statut à l'autre, soit même en intenté, on voit des gens combiner comme ça du travail formel, du travail informel, etc. Et puis, ce travail informel, quand il est dans l'informalité, par exemple, ce travail informel, c'est très visible pour les garages de rue, ce travail informel, il fait système avec le travail formel des garages déclarés. D'accord ? On n'a pas deux systèmes qui s'opposent. On a un système dans lequel les garages de rue occupent une place, qui est une place au bas de l'échelle de l'organisation, mais qui est une place indispensable dans cet espace-là. Alors, tu fais allusion au garage à ciel ouvert, hein, qui a été l'objet d'un article de Rosa Bonheur il y a 2 ans déjà, je crois. Quelque chose comme ça. Oui, alors, ce qui est intéressant également, c'est, d'après ce que vous dites, effectivement, c'est le travail aussi de proximité, en fait. C'est-à-dire que s'il y a travail informel avec du formel, il y a aussi tout un travail qui est de proximité, c'est-à-dire entre les personnes qui vivent sur ces quartiers populaires, c'est ça. Mm-hmm. Et c'est la caractéristique, enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, en tout cas, du bouquin, c'est le fait d'être très en proximité et très en recherche, on a dit le mot subsistance, d'une activité qui doit être rémunératrice à un moment. C'est ça la subsistance, en fait. C'est la subsistance dans le sens, pourquoi on a choisi ce terme-là, c'était dans le sens aussi de dire que, à la différence, parce que souvent on peut nous dire, mais ces activités dont vous parlez, ben, d'autres, on le fait partout, rénover son logement pour soi-même plutôt que passer par un professionnel, etc. Faire attention, réparer des choses, ça peut se faire dans d'autres milieux sociaux. L'idée, c'était de dire que là, c'est fait notamment pour essayer de tenir la tête hors de l'eau. Parce que, encore une, comme disait Blandine, les revenus des aides sociales ou les rémunérations ne sont pas suffisantes. Mais j'ai perdu le fil. Il y a une nécessité, en fait. Il y a une nécessité, oui, dans le travail de subsistance qui en fait sa spécificité par rapport à ce qui pouvait être appelé travail à côté dans le modèle fordiste classique. Hein. C'est une sociologue, Florence Weber, qui avait utilisé ce terme-là, qui montrait que quand la norme dominante était la norme du travail salarié, il y avait aussi une forme de travail à côté, les pratiques de perruque dans les entreprises, les petits emplois à côté de l'emploi principal, le jardinage, le maraîchage, des choses comme ça. Ça a été montré aussi dans les sociétés du Sud, hein, c'est les travaux de Mingyon notamment sur cette question-là. Mais ce qui se passe là, c'est que dans une société, dans un espace d'où le travail salarié est parti, quand un espace désindustrialisé et désalarisé, ce travail à côté, il prend une place tout à fait centrale. Il est une nécessité absolument vitale. Et puis il est omniprésent sur le territoire. Je perds pas le fil de cette question-là. J'y reviendrai. Il est omniprésent aussi dans le quotidien des gens. C'est-à-dire que on a des gens dont la journée tout entière et une bonne partie des nuits sont orientées vers ce travail de subsistance. Des gens qui n'arrêtent pas. Alors ça, pour le coup, ils le disent. Hein. Ils disent pas forcément ce que je fais, c'est du travail, mais ils disent tous, j'ai pas une minute à moi. Oui, c'est ça. Il y a un exemple de Kadouja qui est remarquable de ce point de vue-là. Elle a fait 10 boulots à journée. René. Oui. Justement, en somme, il n'y a pas de frontière entre la sphère du travail et la sphère, disons... domestique. Familiale. Famille, vie privée, contrairement aux autres classes sociales. Oui. Et contrairement aux autres formes de travail, enfin, le travail salarié, effectivement, marquait une séparation forte entre les espaces de travail et les espaces de vie, donc du coup entre les communautés de travail et les communautés de vie, et du coup potentiellement aussi entre les lieux et les territoires du travail et les lieux et les territoires de la vie privée. Et c'est là qu'on retrouve du coup votre question sur ce travail, il est fortement imbriqué dans un espace local, parce que les communautés de travail sont aussi les communautés de vie. C'est pour mes proches que je travaille, mais c'est aussi mes proches qui vont être mes clients, mes fournisseurs. Et donc tout ça repose sur des liens interpersonnels qu'on a appelés liens de réciprocité. Hein. Ça aussi, c'est des choses qu'on emprunte à d'autres auteurs, à Mingyon. Et qui sont des liens interpersonnels qui engagent et qui obligent les personnes et qui sont des liens, effectivement, qui se déploient à l'échelle d'un territoire. Et là, effectivement, il y a une articulation forte, et nous, c'était une des thèses importantes de l'ouvrage, une articulation forte entre l'organisation de ce travail et la production d'un espace populaire. On va parler, effectivement, de centralité populaire tout de suite. Florent. Oui, du coup, est-ce qu'il y en a qui ont conscience, du coup, qu'ils utilisent le mot « travail » pour tout ce qu'ils font à côté, pas uniquement, comme vous avez dit, le travail rémunéré, ou ça ne se fait pas du tout, enfin... Alors non, ça, juste, c'est ce que disait Blandine, c'est que nous, c'est pour, dans l'analyse, on a décidé d'avoir cette vision très extensive de la notion du travail, comme quelque chose qui active les personnes, encore une fois, pour la recherche de ressources. Mais les personnes qu'on rencontre n'en parlent pas forcément comme du travail. Il est très naturalisé, il est très évident pour eux. On a fait une présentation relation avec Cécile Vignal, justement, dans un des centres sociaux où on a enquêté. Et donc, c'était intéressant parce que tout de suite, quand on reparlait de ça, ils disaient, mais le travail, c'est effectivement le travail rémunéré. Enfin, ils se posaient la question, mais alors, il y a du travail, il n'y a pas de travail. Et après, ils étaient d'accord quand on leur disait, ben, nous, on parle de toutes ces activités-là. Et donc, ils pouvaient enchaîner sur nous redonner encore des exemples de tout ce qui faisait la vie quotidienne et qui leur demandait, voilà, de l'énergie, c'est une forte charge mentale aussi, c'est ce qu'on dit dans l'ouvrage également. Ça peut être très valorisateur pour quelqu'un de savoir qu'on travaille même quand on n'est pas rémunéré. Voilà. Enfin, comme ça, on en a conscience en fait qu'il y a une injustice parce qu'on n'est pas rémunéré pour ce qu'on fait. Ce qu'on montre aussi, c'est que, enfin, une petite comparaison qu'on fait, c'est que si on regardait notamment les dames qu'on a rencontrées au centre social, elles sont voilà, multi-compétentes parce qu'elles font plein de choses dans la journée et que c'est quelque chose qui, dans la sphère du travail, pourrait être fortement valorisé. Cette capacité à passer d'une activité à l'autre, à prévoir, à anticiper, pas forcément en plus avec des outils très perfectionnés qu'on peut avoir quand on est dans le travail salarié en termes d'informatique, etc. Mais cette capacité justement à s'organiser et aussi, comme le disait Blandine, pour les autres. Parce que c'est vraiment dans une sorte de mise au pot commun, notamment dans la famille. Donc, avec Florent, Cécile, vous avez fait reconnaître qu'ils avaient une valeur qui n'est pas forcément reconnue par les autres, et notamment dans les centres sociaux, si j'ai bien compris la quatrième partie de votre livre. Oui, et cette inégale cette reconnaissance de sa propre activité comme du travail, elle est très inégalement partagée selon le genre. Cette capacité à reconnaître ce qu'on fait comme du travail, elle est d'autant plus invisibilisée qu'on est une femme, là où chez les garagistes par exemple il y a davantage la conscience que ce qu'ils font effectivement est un travail. Ça ressemble plus à un travail formel, à un travail salarié, et l'interdépendance avec le travail formel et salarié est plus visible. Il conforte cette idée que on est ensemble, parce que par exemple ils travaillent ensemble, c'est-à-dire qu'ils nous racontent que quand ils ont un boulot à faire qui nécessite d'aller sous la voiture, ils vont voir un copain qui a un garage déclaré parce que lui il a une fosse, parce qu'évidemment dans la rue ou dans les ateliers, enfin dans les friches, dans les espaces, dans les interstices laissés par la désindustrialisation, hein, les friches, les hangars et les choses comme ça, il n'y a pas le matériel nécessaire pour aller pour passer sous une voiture. Il est monétarisé aussi, celui-là, voilà. En général. Il y a un revenu, donc c'est plus visible aussi. Alors, j'ai lâché le mot qui est important, c'est celui de centralité populaire. Donc, c'est un concept que vous avez tiré de votre étude. Pouvez-vous nous en dire un mot? Mais d'ailleurs, je me disais que vous êtes passé de l'ethnographie à de l'ethnologie en qualifiant, en produisant des concepts, non? C'est la démarche ethnographique qui demande une sorte de c'est ce qu'on appelle la démarche inductive. Donc effectivement, on part de ce qu'on voit progressivement, mais toujours de toute façon dès l'entrée, quand même avec un questionnement un peu théorique. Mais oui, c'est plus cette démarche-là. Mais on passe à la sociologie, on passe de l'ethnographie à la sociologie. Voilà. L'idée de centralité populaire, c'était l'autre volonté de renverser une vision commune dans l'ouvrage. On a dit de dire que les inactifs sont actifs. Et de l'autre côté, c'est de dire que ces territoires qui sont souvent vus comme des ghettos, des territoires relégués de la périphérie, peuvent, du point de vue des habitants, apparaître comme des territoires centraux, notamment du fait des ressources qu'ils leur procurent, qui sont des ressources notamment en termes de logement, puisque c'est là où on trouve les logements à plus bas prix de la métropole, pour la location, mais pour l'achat également. Du point de vue de toutes ces formes de travail dont on a parlé, donc de la recherche de ressources, d'une consommation à bas prix, etc. Et puis aussi parce que c'est là qu'habitent en fait aussi et que vivent les proches qui sont des appuis, encore une fois, de ce travail de subsistance et donc qui permettent cette entraide qui est nécessaire, ces échanges, cette réciprocité qui est nécessaire pour mener à bien, encore une fois, ce travail de subsistance. Donc c'était une volonté de dire, bon, ce qui est périphérique pour certains et notamment du point de vue des bureaux éloignés du centre parisien, etc., peut être vu comme une centralité au point de vue local. Oui, effectivement, ça m'a semblé tout à fait intéressant, cette façon de concevoir ces quartiers. Alors, ce n'est pas tout Roubaix, c'est bien ce qu'on a compris. Hein. Ce n'est pas autour du jardin du Barbu, par exemple. Ce n'est pas là qu'on a mené l'enquête. Ça pourrait être intéressant aussi, hein, ce n'est pas la question. Mais bon, ce n'était pas votre problème. Laissons les passants Charlot faire avec. et vous voyez effectivement les gens de Roubaix. Donc, donc il y a tout un système. Je ne sais pas s'il faut appeler système. La centralité populaire, ce n'est pas un système. Ce n'est pas le mot. C'est le résultat d'une observation qui fait que vous avez classé la centralité populaire comme étant la description de tout ce que vous avez vu. C'est pas seulement la description de ce qu'on a vu. C'est un concept. Enfin, vraiment, hein, quand vous disiez, bah oui, vous passez de l'ethnographie à l'ethnologie, que je me corrige en disant, non, on passe de l'ethnographie à la sociologie. on crée un concept. Et alors, pour le coup, celui-ci est un concept concret. Hein, travail de subsistance, on l'emprunte à une auteure allemande, Maria Mies. Économie morale, dont on parlera, on l'emprunte à Thomson. Mais centralité populaire, voilà, c'est à nous. C'est à nous, même si on s'inspire. Ouais. Voilà, on s'inspire. Il y avait des travaux sur la centralité immigrée, sur la centralité ouvrière, et puis on parle de centralité populaire. Et donc c'est un concept donc qui rend compte de ce qu'on voit, mais qui est aussi un parti pris pour effectivement voir en plein et voir en positif ce qu'on avait l'habitude de voir en creux et de voir en négatif. Hein. Et pour le coup, le parallèle avec le travail de subsistance à la place de l'inactivité est assez fort. Et puis, c'est un concept politique, parce que c'est un concept qui va nous permettre aussi de traiter de la question de la dispute du territoire, parce que cette centralité populaire est une centralité pour les habitants, mais du point de vue alors des centres parisiens, disait Juliette, mais aussi des centres de décision locaux, il n'y a pas de centralité. Hein. Il y a un papier dans La Voix du Nord, il y a deux jours, qui parle des projets de rénovation urbaine à l'Épeule et qui dit, voilà, le projet, c'est de créer une centralité à l'Épeule. Donc, oui. Juste là, voilà, on est sur un tout autre... Le mot était effectivement repris, il faut quand même être gonflé. Quand même. Bon, ça prouve que vous êtes lu, peut-être. Mais... Ouais. Alors, juste un mot, puisque vous en avez parlé, vous avez cité, économie morale. On cherche nos petites notes quand même. Alors, économie morale, pourquoi on utilise cette notion-là? Moi non plus, je ne retrouve plus mes notes, mais c'est pas grave, je vais en parler sans les mains. L'idée, en parlant d'économie morale, c'était de pas se cantonner à une vision purement utilitariste et matérielle du travail et de l'organisation de la vie quotidienne. Et donc, de pas... Là, je crois que j'ai plus de son. On est parti. On n'a plus de son, là. Je crois que c'est fini, là. Ça me permet de rechercher. Ah, si tu reviens dans une. Ah. Donc, je le reprends. Donc, l'idée de ne pas avoir une vision purement matérielle et de ne pas s'en tenir non plus à l'idée que ce travail et cette organisation spatiale seraient uniquement mus par la nécessité, mais bien de rendre compte de la dimension des valeurs subjectives qui sont associées à cette organisation et donc effectivement de la dimension morale, pas seulement au sens du bien et du mal, mais au sens de la valeur qu'on accorde, hein, comment on compte, comment on accorde de la valeur à ce qu'on fait et qu'est-ce qui compte dans ce qu'on fait et qu'est-ce qui compte dans les gens qui font son entourage. La notion d'économie morale, donc on l'emprunte à Thomson, on l'emprunte à Scott aussi, surtout enfin, la relecture que Scott fait de Thomson, c'est un concept qui est intéressant parce que c'est un concept qui est relationnelle. C'est-à-dire que l'économie morale populaire, elle se comprend dans une relation de dépendance entre des catégories dominées et des catégories dominantes. C'est-à-dire que c'est dans l'interaction entre dominés et dominants que se construit l'économie morale populaire. Donc c'est en ce sens-là que le concept nous a intéressés. René, je veux dire, si on voulait donner des caractéristiques risques de cette économie morale, d'après donc votre ouvrage. On voit que ce qu'on attend un peu de tout un chacun, c'est la compétence, la fiabilité, le travail bien fait et l'honnêteté. Il y a aussi, de la part des gens des quartiers populaires, contrairement à ce qu'on croit, un rejet de l'assistanat, et aussi un sens de, vous l'avez dit tout à l'heure, un sens de la responsabilité de l'organisation. Est-ce que ça peut résumer un peu? Oui, les caractéristiques morales, effectivement, de cet ensemble de valeurs sont une valorisation, hein, une place subjective extrêmement forte accordée au travail et une valorisation du travail bien fait, de l'honnêteté, de la réputation. Alors ça a à voir à la fois avec une tradition ouvrière relativement ancienne d'attachement à la valeur travail et notamment aux compétences techniques. Hein, qu'on met dans ce travail, donc à la valorisation d'un travail bien fait dans lequel on met de soi, dans lequel on met du temps, dans lequel on met du savoir-faire. Et puis ça a à voir aussi avec la centralité populaire et avec l'interdépendance des réseaux de proximité. C'est-à-dire, comme ce travail de subsistance, il suppose des relations interpersonnelles, et ben c'est la confiance et la réputation qui sont extrêmement importantes. Parce que j'ai un premier client et puis j'en ai un deuxième parce qu'il va venir de bouche à oreille. On travaille sous l'œil de l'ensemble des habitants du quartier, donc il faut que le travail soit irréprochable. Donc il y a une importance extrêmement forte accordée à la réputation. Alors ce faisant, c'est parce que du coup on nous a dit aussi c'est des valeurs extrêmement positives, donc est-ce que tout ça est pas un peu idéalisé? C'est des valeurs extrêmement positives, c'est aussi des valeurs qui somme toute sont pas très éloignées de ce que le patronat a tenté d'inculquer pendant toute la période d'industrialisation à la classe ouvrière, et c'est aussi des valeurs qui somme toute sont conforme aux attentes du système social, économique, enfin donc qui permettent effectivement de garder la tête hors de l'eau. Donc le caractère révolutionnaire, par exemple, de ces valeurs-là est quand même très très discutable. Et le concept d'économie morale chez Thompson est un concept relativement conservateur. D'accord, c'est un concept qui permet de comprendre pourquoi ça tient. Bien plus que comment ça pète, quoi. C'est-à-dire que en fait ça éclate quand il y a une rupture de l'ordre moral qui est chez Thompson et chez Hayat aussi, hein, cette idée de j'ai contre-salaire et protection sociale, je reconnais la légitimité des dominants à exercer leur pouvoir sur moi. C'est pas comme ça qu'on fait la révolution, en effet. Bien. On va passer peut-être à l'autre point. L'autre point, c'est... finalement, tout n'est pas rose, en fait. On a parlé de moralité, de travail bien fait, etc. De proximité des gens, et voilà. Et tout n'est pas rose. Et on a un exemple récent sur le fait que... on peut en dire un mot. À Roubaix, la municipalité de Roubaix est en train de faire en sorte qu'un quartier des plus vivants de Roubaix, c'est la rue de l'Épeule, pourrait être démoli en partie, je pense, à la rue des Augiers. Mais avant, on va peut-être parler de ce que vous dites dans « eux », les autres, quoi, hein, l'œil des autres, sur cette population qu'ils connaissent dans les centres sociaux, dans les associations, par exemple. Alors, c'est qui, eux? Alors, le « eux », il est... EUX, EUX. Je pense qu'il est plus sur c'est pas le E proche justement des centres sociaux qui bien sûr encadre en partie notamment pour le cas de ce qu'on a vu dans les centres sociaux, bien qu'on n'ait pas enquêté sur les centres sociaux, c'était vraiment une entrée. Les centres sociaux, effectivement, ils encadrent, et comme ils ont différentes casquettes, ils ont aussi la casquette finalement notamment par exemple des référents RSA, donc ils opèrent un certain contrôle sur les personnes, notamment essentiellement sur les femmes qui y sont, et donc d'une certaine part façon, ils sont bien effectivement, hein, eux. Ils sont pas des mêmes, ils sont plus souvent de classe moyenne. Et de plus en plus, ils habitent aussi pas spécifiquement à Roubaix. Mais on a trouvé aussi quand même beaucoup de travailleurs sociaux dans les centres sociaux qui sont plutôt des aidants, en fait, aussi pour toujours les femmes des classes populaires qu'on y rencontre. On l'espère, voilà. Quand même, oui. Et aidants, pas simplement pour effectivement pour fournir des ressources, hein, mais pour voilà, de la prise de conscience, de la mise en commun aussi sur pour tous ces échanges en fait d'informations qui permettent cette qualification un peu collective sur le travail de subsistance. Et le E, c'est peut-être pas non plus les plus éloignés, les plus riches, c'est pas les muliers, hein. Hier on parlait de ça justement au centre social fin avant-hier, et bon, ils ont une vision toujours très fine, parfois assez positive pour certains de la famille mulier très paternaliste, bon, le père ou le grand-père, je sais plus, mais c'est quand même des gens très simples, etc. C'est donc plutôt effectivement les institutions notamment qui amènent à ces transformations dans le quartier, ben quand on en ce dont vous parliez sur les peuls, qui amènent comme ça à des incompréhensions finalement dans le fonctionnement habituel de la ville, qui décident des changements. C'est ce qu'on a vu par exemple, qui avait beaucoup fait qui avait eu beaucoup de répercussions sur la vie, notamment des femmes. C'était au moment où il y avait les changements des rythmes scolaires. Il y a les changements de rythme scolaire, on change les systèmes de garderie, et puis ben, des dames qui normalement pouvaient rester au centre social jusqu'à 4h30, tout d'un coup doivent partir à 2h30 pour aller chercher leurs enfants. René, En somme, on pourrait dire que les décisions administratives froides perturbent en fait l'organisation des gens des quartiers populaires. L'organisation qui est fragile, qui est plus oui, est. Enfin, qui est très fragile. Oui. Oui. C'est une organisation qui est très fragile. Alors c'est assez paradoxal parce que nous, au moment où on commence l'enquête de terrain, on voit des personnes, effectivement, et on voit leur place centrale dans le quartier, on voit leur réseau d'interconnaissance, et on a l'impression d'avoir affaire à des personnes puissantes. Et puis, on revient un an plus tard, et leur garage a été démantelé, et le conjoint est tombé malade, et ils ont déménagé, et le centre social a cessé d'avoir des financements pour cet atelier-là, et donc a dû réorganiser ses activités. Et donc, cette organisation, elle est à la fois extrêmement importante, omniprésente dans la vie des gens, et en même temps elle est très précaire, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de fragilité, une sorte de précarité permanente, hein, de vulnérabilité permanente des populations et des systèmes qu'ils ont mis en place. Et puis aussi, parce que ce qu'on veut montrer, c'est effectivement que c'est pas une vision, comme tu disais aussi, irénique, dans ces quartiers centraux, pour du point de vue populaire, tout le monde s'entend, tout le monde travaille ensemble. Il ne s'agit pas de dire ça, hein, que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, non. Il y a aussi des tensions à l'interne, il y a aussi des tensions par rapport à d'autres qui sont parfois en situation plus précaire. C'est notamment parfois, on rencontre des positions par rapport à moins bien lotis que nous, c'est notamment les populations roms, où il y a des distanciations qui est prise aussi avec ces personnes-là. Et il peut aussi avoir des rivalités par rapport à certaines activités entre les différents groupes des quartiers. Par exemple, la mécanique. Vous citez d'ailleurs un exemple entre les garagistes déjà installés et puis les garagistes de rue. Sur les garages, effectivement, le garage est une entrée par laquelle on arrive à observer un peu l'ensemble du système. Donc on voit des effets de concurrence et on voit des effets de rivalité, dont on peut supposer du coup qu'elles existent aussi dans d'autres espaces, même si on n'a pas pu les observer. Même si on n'a pas pu les observer directement, mais effectivement, il y a une fragmentation des classes populaires elles-mêmes, hein, qui correspond un peu aussi à la proposition théorique que fait Schwartz d'une forme de triangulation de l'espace social avec un nous, eux et ils, c'est-à-dire que du coup on trouve aussi effectivement à se distancier des plus assistés que soi, des plus marginalisés que soi, etc. Et puis une hétérogénéité des dominants avec des intermédiaires du travail social qui précisément sont eux aussi sous le joug de politiques qui les dépassent. Et puis, pour le coup, là, une politique globale, alors que vous dites froide, mais je trouve que presque ça dépersonnalise un peu les choses, c'est-à-dire que nous, on assume une charge un peu plus virulente là-dessus, c'est-à-dire que c'est des politiques de repeuplement, les politiques d'attractivité des classes moyennes sont des politiques de repeuplement du territoire, des politiques d'éviction des classes populaires. Discriminatoires. Voilà, et de tentatives de résolution de la question sociale par un remplacement de la population. Et ça fait, voilà, c'est pas une histoire nouvelle, hein, ça fait des années que ça dure. On a écouté très récemment Bruno Durier et Didier Cornuel qui sont venus nous reparler d'un bouquin sur les politiques de la ville, sur la résorption de l'habitat indigne dans les années 50, 60, 70. Et c'est la même politique qui se rejoue aujourd'hui. Hein. Donc il y a un encadrement effectivement du travail de subsistance quand il est encadrable, et c'est notamment le cas des femmes. Et puis il y a une répression importante du travail de subsistance dès lors qu'il est un peu trop visible ou qu'il empiète un peu trop sur ce qui pourrait être du travail formel. Et il faut rappeler quand même que la municipalité de Roubaix a pris un arrêté interdisant les garages de rue, exposant les garagistes de rue à des amendes, que le marché aux puces de l'Épeule a été fermé. Ça, c'est gonflé. Moi, j'y allais au marché aux puces. Bah oui, mais c'était, paraît-il, un haut lieu de trafic et de vol et de brigandage, etc. C'est souvent le prétexte avancé pour soit la sécurité, soit les problèmes de délinquance, etc., pour sévir, en fait. Qui sont des problèmes que, pour autant, il faut pas nier. Enfin, de fait, il y a des conflits d'usage. Enfin, on le voit bien avec les garages, on le voit avec la rénovation des logements. Il y a des conflits d'usage de l'espace public. Mais la question qu'on pose dans l'ouvrage, c'est quand on est habitant de classe populaire, est-ce qu'on a le droit de dessiner son espace de vie à son image, ou bien est-ce qu'on doit vivre de la manière qui est décidée par des prises de décision politiques qui ne sont pas des mêmes catégories sociales et qui ne visent pas les mêmes catégories sociales. Oui, alors là, effectivement, on a un exemple typique. Là, on parlait de cet article qui est paru dans la Voix du Nord d'avant-hier, je crois. 131 logements sont ciblés, rue de l'Épeule, 91 démolis, 48 réhabilités. C'est vraiment taillé dans le vif, quoi. Hein. C'est, les gens qui sont là ont construit leur maison. Enfin, voilà, c'est un peu ce que vous disiez, là, toutes les deux. C'est, on tue vraiment, alors sous des prétextes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va évincer les classes populaires, ou est-ce qu'on les vire définitivement? Est-ce qu'on remplace par d'autres, des classes moyennes? C'est généralement l'argument. Mais on ne sait pas bien, là. Parce que on peut concevoir, à la limite, des rues complètement murées, où les maisons sont complètement murées. On peut l'imaginer qu'on puisse faire autre chose. Mais l'Épeule, allez-y demain matin au marché, vous allez voir que c'est un quartier super vivant, quoi. C'est... On nous a dit, à ce propos, on nous a dit qu'il y a 4 boulangeries qui vivent. C'est trop. Pour qui c'est trop? En tout cas, pas pour les boulangers, puisqu'ils marchent tous les 4 très bien, quoi. C'est, voilà. Bah, sur l'Épeule, ce sera intéressant à observer. Enfin, c'est assez glaçant en même temps. Mais, c'est très violent. La violence est quand même très forte. Et puis, on se dit, mais on apprend tellement peu de son histoire, parce que c'est quand même des choses qui se sont passées au Pile. Le processus de rénovation du Pile, ça s'est aussi passé comme ça. C'est-à-dire que le choix de réaménagement des quartiers a visé indistinctement des maisons qui étaient vides et murées et des maisons qui étaient occupées. Et donc, comment on justifie? Et puis avec des gens qui l'apprennent par hasard, c'est-à-dire là, dans l'article là, sur l'Épeule, la dame, elle dit, voilà, elle est allée voir la mairie pour une histoire de dératisation, je ne sais pas quoi, de problème d'encombrant dans la rue, et on lui dit, ah, mais en fait, votre logement, il va être rasé. Enfin, c'était une violence et un mépris de ce que vivent les gens au quotidien qui est quand même assez considérable. Bien, notre maître du temps nous dit qu'il faut conclure. En tout cas, on vous remercie beaucoup de cette intervention. On tenait beaucoup à ce que vous veniez. Et puis, on surveillait la sortie du bouquin, en fait. Alors, le bouquin, je le rappelle, à lire, hein, pour les Roubaisiens d'abord, mais pas seulement, parce que c'est un travail d'ethnographie donc, et de sociologie. La ville vue d'en bas, travail et production de l'espace populaire. C'est par le collectif Rosa Bonheur et c'est paru dans la collection chez Amsterdam, donc éditeur, que je ne connaissais pas d'ailleurs. J'ai bien honte. Voilà, merci à toutes les deux. Merci. Merci. Ils veulent tomber la pluie sans la foudre et le tonnerre. Ils veulent changer les choses sans la rage et la colère. Ils veulent des roses sans épines, des raisins sans pépins. Ils veulent des livres scolaires sans le massacre des Indiens. Ils veulent la vie sans la mort et l'amour sans la tristesse. Ils veulent Sud-América sans Castro ni Chavez. Les richesses de l'Afrique sans culpabiliser. Des ouvriers sans grève et du rap javelisé. Ils veulent des cartes postales sans arôme ni parfum. Ils veulent des révolutions sans pavé ni parpaing. Ils veulent des quartiers populaires sans bruit et sans odeur. Des terrasses à Barbès sans trafic. Et sans squatter, ils veulent des arabes de service sans le kéfi d'Arafat, des fatmas sans foulard et des muslims sans sourate. Ils veulent faire bronzette en toute tranquillité, sans se soucier de l'autochtone colonisé. Ils nous emmerdent, ils nous irritent, ils nous fatiguent en pédé des durites. Ellos no cagan por la mañana, durante el día por la noche, por eso la barricada. Ils nous emmerdent, ils nous irritent, ils nous fatiguent en pédé des durites. Ellos no cagan por la mañana. Por la noche, por eso la barricada. Nos quitan los derechos más básicos y la masa estúpida se acostumbró a condenar al que en la calle marchó, pero nunca condenan al que un día nos reprimió. No queremos ser esclavos, por eso andamos alzados, rayando muros, gritando la injusticia que aguantamos. Nuestra historia no aparece en los libros oficiales, tampoco salen canales, pero la calle lo sabe. Será mi rabia la rabia de los barrios populares, los que viven explotados por sus centrales nacionales y no pueden estar profesionales. Con ellos grito en la calle. Ils nous emmerdent, ils nous irritent, ils nous fatiguent en pédé des durites. Ellos no cagan por la mañana, durante el día, por la noche, por eso la barricada. Ils nous emmerdent, ils nous irritent, ils nous fatiguent en pédé des durites. Ellos no cagan por la mañana, durante el día, por la noche, por eso la barricada. Ils nous emmerdent. Les nuancés, les modérés, les pondérés, les mesurés au-dessus de la mêlée. Les grappes nombrils, les antellos, les bobos zélés. Les humanistes, les hommes de paix abonnés à Libé. Ils nous emmerdent, les mots du genou sans opinion. Les marchands de certitude, les je sais tout donneurs de leçons. Les pragmatiques, les tolérants, les conciliants. Les subtils, les réalistes, les patients, les indulgents. Ils nous emmerdent, les discrets, les faillots. Les bundis, les démagos, les mythos, les salauds. Les imposteurs, les gourous, les oraux, les fachos. Les facebookers, les suiveurs, les falsos, les idiots. Ils nous emmerdent. Les dirlos, les proprios, les règlements, les condés, les leurs du métro, ils nous emmerdent. À en taper des ulcères, on en fait même des chansons, c'est dire s'ils foutent les nerfs. Ils nous emmerdent, ils nous irritent, ils nous fatiguent en pédé des durites. Ellos no cagan por la mañana, durante el día, por la noche, por eso la barricada. Ils nous emmerdent, ils nous irritent, ils nous fatiguent en pédé des durites. Ellos no cagan por la mañana. Por la noche, por eso la barricada. Ils nous emmerdent. Ellos no cagan. Ils nous emmerdent. Ellos no cagan. Ils nous emmerdent. Ils nous irritent. Ils nous fatiguent en pété des durites. Ellos no cagan. Donc c'était Sidi Ouattcho, il nous emmerde, hein, vous avez reconnu la voix de Seydou, hein, qui est originaire de Lille, qui a aussi chanté dans Zep et MAP. Donc on passe aux actualités d'attaque. Absolument, on va parler donc du Black Friday, vendredi noir, mais pour Amazon. Oui, eh bien depuis vendredi matin, dès 7h, des actions sont organisées partout en France pour s'opposer à Amazon et à son monde, et transformer le Black Friday, célébration de la consommation extrême, en un vendredi noir pour Amazon. À Paris, plus d'une centaine de militantes et militantes d'attaque et d'autres organisations impliquées dans la campagne se sont rassemblées devant le siège d'Amazon France, à Clichy. À Lyon, plus de 200 participantes et participants ont bloqué pendant plusieurs heures le site d'Amazon de Saint-Priest, avant d'être brutalement délogé par les forces de police. Nos actions se poursuivent partout en France les 29 et 30 novembre pour sensibiliser toujours plus de monde et interpeller les pouvoirs publics afin qu'ils prennent réellement la mesure des désastres sociaux, écologiques et fiscaux générés par Amazon et la folie de la surconsommation. D'autre part, ATTAC, les Amis de la Terre et Solidaires viennent de publier un nouveau rapport « Immersion dans le monde d'Amazon » qui montre le vrai visage de cette entreprise. La réforme des retraites est la journée du 5 décembre. Alors, d'après la note d'analyse du réseau retraite, le rapport du COR, Conseil d'orientation des retraites, un déficit construit de toutes pièces. Alors, cette nouvelle publication du régime des retraites est un prétexte à une nouvelle baisse programmée du niveau des pensions. Dans de nombreux pays, les révoltes populaires éclatent contre les injustices sociales. C'est pourquoi la journée de grève et de manifestation du jeudi 5 décembre prochain contre la réforme des retraites doit être aussi l'occasion d'une convergence inédite pour toutes celles et ceux qui se mobilisent pour répondre aux urgences sociales, écologiques et climatiques. Ben, espérons-le, René, qu'il y aura du monde. Hein. Enfin, nous, on y sera, non ? On peut essayer, je crois. Oh, oui, comment je on peut essayer ? On y sera. Oui, on y sera. Alors, sur le plan local, René. Alors, au plan local, c'est d'abord la réunion publique du 26 novembre de Parc Saint-Sauveur qui a été suivie d'un débat, bien sûr, et a rassemblé environ 200 participantes et participants, dont plusieurs candidats aux prochaines élections municipales. Dans un premier temps, l'association Parc a présenté ses arguments face aux enjeux auxquels est confrontée la métropole, résultat d'un travail de réflexion et d'analyse sérieusement mené. Et une proposition d'alternative pour la friche établie selon 6 principes fondamentaux, tout en précisant bien sûr que cette alternative reste ouverte à toute suggestion. Au cours du débat, qui fut parfois animé, les candidats des formations politiques présentes ont exprimé des opinions diverses, certains reconnaissant la nécessité d'une autre politique d'urbanisme, d'autres ont eu des réactions plus mitigées. Et également, plusieurs remarques intéressantes et avis intéressants de la part du public. Oui, alors je dois dire aussi que 200 personnes, 4 candidats déjà déclarés complètement viennent, et puis la Voix du Nord, non. La Voix du Nord n'est pas du tout intéressée par ce débat à Sciences Po, c'est quand même un lieu honorable, on va dire. Voilà, très surpris, aucun article de La Voix du Nord. Mais pour ceux qui n'ont pas assisté à cette réunion, il y a un rattrapage sur les ondes de Radio Campus à Angle d'Attaque le 21 décembre de midi à 13h. Oui, n'est-ce pas, René ? Tout à fait, ce sera notre prochaine émission. Eh bien ensuite, le Black Friday, vendredi noir pour Amazon. Alors nous relayons l'action nationale cet après-midi. Si vous souhaitez nous rejoindre, le rendez-vous est à 14h au Parc Matisse, près de Ralille. Déjà hier après-midi, durant la marche climat, une diffusion de tracts a été réalisée. Et ce même vendredi au matin, une action principalement portée par les Amis de la Terre et l'ANV COP21, à laquelle participaient aussi quelques membres d'ATTAC, a eu lieu sur le site Amazon de Lewin Planck, près de Douai. Enfin, nous envisageons de reprendre la campagne de signature pour le référendum aéroport de Paris, qui était un peu en sommeil, en collectant des signatures sur les marchés et en invitant les membres de nos comités locaux à solliciter des personnes de leur entourage. Nous avons également interpellé Martine Aubry par courrier, lui demandant de faciliter l'accès des citoyennes et des citoyens aux dispositifs mis en place pour le vote. Et qui sont demandés d'ailleurs directement par le préfet de région. Hein. Tout à fait. Il faut atteindre le million, hein, c'est important. On y est presque. On y est presque. Pour signer la demande de référendum sur ADP, je vous rappelle le site, c'est https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/étape-6-1. Vous pouvez aussi aller sur le site d'Attaque France. Là, Là, le lien, c'est https://privatiser-ses-volets.fr. Enfin, le collectif Transport Gratuit, eh bien, concernant la pétition pour un référendum d'initiative citoyenne à Roubaix sur la gratuité des transports, je le rappelle, nous avons entamé une campagne de porte-à-porte dans les quartiers. Les personnes rencontrées ont pour la plupart accueilli favorablement notre initiative. Au Cul du Four et Moulin Potainerie, je suppose que vous connaissez. Voilà. Et enfin, tu ne parles pas du collectif O, oui, avec le collectif O dans et lequel... Et le collectif O, lui, eh bien, dans la perspective du bilan de mi-mandat du nouveau délégataire qui est Veolia, je le rappelle, et de l'interpellation des candidats pour les prochaines municipales, le collectif O prépare une réactualisation de son manifeste de 2013 en y apportant des modifications et de nouvelles revendications. Voilà. Oui, on passe à l'agenda militant. Alors, donc ce soir à 16h, vous pouvez aller à la dernière rencontre du cycle « Saisir la situation de Hong Kong ». Où là, quelques amis partis à Hong Kong raconteront ce qu'ils ont vu et compris de l'insurrection en cours. C'est à l'Anamorphose, 48 rue du Lompo, à Lefiv. Pour continuer sur la situation internationale, un café diplo intitulé « À Gaza, un peuple en cage », donc pour une rencontre avec Olivier Pironnet autour de son reportage publié dans Le Monde diplomatique de septembre. Donc ça sera lundi 2 décembre à 18h30 à Sciences Po Lille, amphi A, 9 rue Auguste Angély. Si vous souhaitez terminer la manifestation du 5 décembre par un documentaire poignant, rendez-vous à 19h30 au cinéma L'Univers, 16 rue Georges Danton à Lille pour une projection « Mon pays fabrique des armes ». Donc c'est proposé par Amnesty International. Donc comme on sait, la France exporte massivement vers le Moyen-Orient et beaucoup vers l'Arabie Saoudite. Et donc la question, c'est au sein de l'État, qui arbitre lorsqu'il s'agit de vendre à des régimes suspectés de crimes de guerre. Présentation du livre « Les Invisibles » de Nani Balestrini en présence de l'éditeur. Donc, la situation Italie dans les années 70. Donc, ce roman fait vivre les deux phases de cette période qu'on décrit aussi bien comme un mai 68 qui a duré 10 ans avec ses espoirs et son enthousiasme et comme des années de plomb et leur cortège de morts, de prisonniers et de désillusions. Donc, ça sera au CCL, hein, 4 rue Colmar à Lille, le dimanche 8 décembre à 15h. Jeudi 12 décembre à 19h, 20e rendez-vous d'En attendant le grand soir avec, nous l'avons interviewé il y a un mois, un peu plus d'un mois, Romaric Godin. Et donc, ça sera au Théâtre de la Verrière, 28 rue Alphonse à Lille. Et pour finir, la Société Louise Michel invite Laurent Mucchielli autour de son livre « Vous êtes filmé ». Ça sera à la librairie du 4 Chemins, 142 rue Pierre Mauroy à Lille. Afin d'améliorer la sécurité des communes, les élus français multiplient l'installation des vidéosurveillances dans les rues. Cela laisse supposer qu'elles seront un moyen efficace pour lutter contre les infractions et la délinquance. Or, quand on regarde le nombre d'enquêtes qui ont été résolues grâce à la vidéosurveillance, on constate que celui-ci est extrêmement bas. Enquête sur le bluff de la vidéosurveillance. Et ben voilà. Voilà un très beau programme, effectivement. Alors, donc, du beau linge. Hein. Mucchielli, c'est quand même premier venu. Godin, non plus. Voilà. Bon, eh bien, notre émission se termine. On va vous souhaiter un très bon week-end. On va se retrouver donc à la fin du mois, le 21 décembre, pour une émission avec les amis de Parc. Parc Saint-Sauveur, oui. Oui, Parc Saint-Sauveur. Tu nous rappelles ce que dit Parc ? Ce que veut dire Parc ? Protection, aménagement et réappropriation citoyenne de la friche Saint-Sauveur. Voilà. Je suppose que sur leur site, vous allez trouver le projet qui est très intéressant d'ailleurs, qui rattache la friche actuelle à ce qu'on appelle le parc, le truc qui est entouré de grilles rouges, là, enfin, c'est monstrueux. Bon, voilà. Donc, bon week-end à tous. À la prochaine émission. Portez-vous bien et à bientôt. Partigiano, portami via, un